la vie comme contrat de location. Tu vas de moins en moins en courbe, il grave à l'occasion. T'as vu un film, tu t'es payé un Glock. Et tes potises, alors t'as teasé pour faire comme tes potes. Et comme si c'était pas assez, tu t'es mis à fumer. Les longues nuits t'ont lassé, t'endors, la télé allumée. Né d'une daronne en galère et d'un père ouvrier. Ta mère a refait sa vie et je crois qu'au passage t'as oublié. Avec ta go t'avais des buts. Enfin tu crois, mais elle t'attège en criant, vas-y va voir tes putes. Elle voulait que tu meurs pour elle. Mais pour toi la vie à ses côtés c'était comme sortir les poubelles. Tout ce que t'en retiendras c'est que la vie ainsi va. Putain qu'est-ce qu'elle cassait les couilles quand tu jouais à FIFA. En vrai tu te mens de ouf. Et passer d'elle à une pute c'est comme passer d'un putain de casque à rail au casque roof. Tu te sens pas comme eux, ça tu veux l'assumer. Être eux c'est être comme tout le monde, c'est ce que tu dis pour te rassurer. La rue c'est conséquence. Est-ce qu'on sait quand le bateau coule et on se noie sans mer ni océan. Le proprio a dit prends tes gosses et dégagé. Et cette année t'as encore déménagé. Enfin bref tu t'en fous. À part personne qui t'a pris par la main. Est-ce qu'il y aura un vous, est-ce qu'il y aura demain. Et toutes les nuits tu retrouves le sommeil. Et tu te réveilles au coucher de soleil. Tu vois ta vie parfumée que d'espèces. Sur ton bateau pas de fusée de détresse. Dans ton bas jamais à court de bruit. Un jour tu deals, un jour tu pries. T'as du net un jour de pluie. T'es pas comme ça mais tu fais le con le dur. Et la nuit pendant que ta sœur dort t'explose des manettes contre le mur. Pour toi ce qui relie les gens c'est les ponts. A ta propre sœur t'as dénigré ta mère, t'as pété les plombs. A chaque embrouille t'as pas de problème pour articuler. Toi tu regardes qui hein, et vas-y va te faire enculer. Et quand on propose un cutru tu réponds non. C'est quoi, en ce moment j'ai de la frappe. Alors préviens les grandes chez toi. Et depuis la bac te colle au cul. Ta meuf t'a dit viens on se fiance. Tu lui as dit je te tiens au jus. Alors tu te dis que chercher la bonne faut t'y forcer. Dur de croire en l'amour quand t'es qu'un gosse de parents divorcés. Et si t'es con, bah t'es un con malin. T'es bon en cours, mais aussi les profs disent que t'es qu'un bon à rien. Au final, mon frère, t'es fatigué comme ta semelle. Parler avec ton père, c'est échanger trois phrases dans la semaine. T'es parti chercher où la haine se trouvait. Peux pas courir après l'oseille avec une paire trouée. Et tu vois pas que l'avenir se ternit. Tu tombes pas les coups, tu tises, tu roules sans permis. Wesh frérot, tu veux mauvais nom. T'as fini en jaffe pour le nouvel an. Franchement ta haine il faut l'aménager. Au fait hier des nouveaux voisins ont emménagé. Y'avait pas de daron, juste une daronne et son fils. Tu l'as vu guetter ta sœur mais il a tapé son fils.